De la culture et des communications du Québec, M. Makakoto, de la ministre responsable de la capitale nationale, ministre de l'emploi et de la solidarité sociale et ministre du travail et de la condition féminine, Mme Agnès Maltais, du député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté, du centre local de développement de Québec, porte d'entrée des entrepreneurs d'ici, de la Caisse d'économie solidaire des Jardins, de Télé-Québec, de la Caisse de Limoilou, de la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, de la SEDEC, Société de développement des entreprises culturelles, et du député de Jean Lesage, M. André Drolet. Bonsoir à vous, amateurs de musique progressive de Québec et aussi du monde entier, parce qu'on est disponible sur le net et surtout en podcast. Donc, c'est l'émission Terra Incognita de 10h, en fait 22h à minuit ce soir. Et nous succédons à l'excellente émission de Vincent et de Jacques, qui nous font découvrir toujours toutes sortes de belles musiques là, qui viennent du passé et même du présent. Et avec l'autoroute qui suit aussi, je pense que ça nous fait une très très belle soirée, un beau samedi soir. Et en ce qui nous concerne, vous êtes en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde, Jean-François Lamarre à l'animation. Et encore une fois ce soir, on va écouter beaucoup de musique progressive, oui. On va parler un petit peu aussi de concerts, entre autres de Piezo, que Marc a reçu le 9 février dernier. Et Piezo est possiblement en train de jouer, oui, sûrement à cette heure-là, il est en train de jouer au Dagobert présentement. On leur souhaite une très bonne réceptivité de la part des amateurs de musique. C'est vraiment très bon ce qu'ils font. On va d'ailleurs écouter un extrait en cours d'émission. Ils sont aussi avec Inner Odyssey qui sont déjà venus aussi à l'émission, qui ont sorti un très bon album l'an dernier. Et on va parler aussi du magazine Progressis 71. On va écouter des extraits de l'album qui vient avec le magazine. On va parler aussi de la convention Terra Incognita qui aura lieu les 18 et 19 mai avec de très bons groupes. Titlob, le groupe américain qui a sorti un album vraiment merveilleux cette année avec des pièces assez longues et beaucoup plus sophistiquées que ce à quoi ils nous avaient habitués. Fido va suivre pour le samedi soir et cette très belle soirée va se terminer avec RPWL. Le lendemain, le dimanche 19 mai, on pourra entendre Edo, Il Castello di Atlante et bien sûr Flower King. Et malheureusement, d'après ce qu'on m'a dit, il resterait plus de billets. La dernière fois qu'il y en a été question, je pense qu'il restait quelque chose comme 2 billets pour chacune des soirées. Donc, c'est sur toute réserve. Si ça vous intéresse, on peut toujours valider auprès du Centre d'art La Chapelle, mais je crois qu'il ne restera plus de billets. Et dernièrement, il est sorti un gros disque qui s'appelle Neil Morse Momentum Live. Et Neil Morse fait jamais rien à moitié. Et là-dessus, on retrouve deux DVD et trois CD. En fait, c'est un peu le même contenu là, sur les CD. Il y en a un petit peu plus sur les DVD. Et Neil Morse, on va en écouter un extrait tout à l'heure, mais juste pour vous signaler que Neil Morse sera en Au Mur le 17 mai. À ma connaissance, c'est la première fois que Neil Morse vient jouer à Québec. J'ai pas de souvenir que Neil Morse soit venu précédemment. Donc, on va y aller tout de suite en musique avec Neil Morse, extrait de son album Momentum Live. On va entendre la pièce Wuthering Heights. Cause you you. Good evening. Welcome. Are you guys ready for a full night of Prague? Okay. And they sound pretty good, don't they? Never be the same again. tries to hold on to his pride.

Mais moi, je trouve ça assez intéressant, la pièce qu'on va entendre. C'est, en fait, c'est toutes les pièces de cet album-là s'appellent Dodécaédron. Et on va entendre la troisième pièce de ce groupe-là. Ce sera suivi de Rétrospective, un groupe polonais qu'on dit qu'il fait dans le prog metal. Moi, à l'écoute de cette pièce-là, je sens moins ça. La pièce qu'on va entendre, c'est Lunch, extrait de Lost in Perception. Et ce bloc va se terminer avec Life Signs, un premier disque éponyme, et on va entendre Fridge Full of Stars. Et ce qu'il faut savoir de ce groupe-là, c'est qu'il compte un membre qu'on connaît quand même assez bien, parce que il fait partie du groupe de scène de Steve Hackett, et je parle de Nick Berg. Et c'est l'espèce de bébite avec des lulus et qui avait un kilt lorsqu'il est venu à Québec lors du festival d'été en 2010. Mais c'est un musicien assez extraordinaire qu'on retrouve aussi auprès de Steven Wilson. Et je parlais de Steve Hackett. Les billets pour le spectacle qui aura lieu le 4 octobre au Grand Théâtre étaient en vente aujourd'hui. Donc, c'est une occasion à ne pas manquer. C'est la tournée qui va de promotion du très bon album Genesis Revisited numéro 2. Donc, on y va immédiatement avec le groupe DAL. Thank you. moments lie in our hearts. Weakness can destroy our lives. Give your hand, stand by me, and please stop fighting. Like half blood in the street. Sadness in your eyes. For what I ask, for what I ask. These moments arouse in our hearts. They grow in strength with every word. Can you feel it's so real? Let's see. These moments arouse in our hearts. Slowly reviving our minds. Metal wall fell down. human race. Hard to see a guiding star. Looks so near, seems so far. Thank you.

Si on parle de la convention progressiste maintenant qui a lieu en Belgique, ça s'était terminé avec l'édition 2011, mais la convention renaît de ses cendres. C'est quand même intéressant de voir ça, sauf qu'il change de place. C'est plus au Spirit of 66. C'est dans une ville belge, un petit peu au sud de Bruxelles, qui s'appelle Soignies. Et ils ont décidé de mettre le paquet avec une belle pléiade là, de musiciens qui débute le samedi 27 avril avec Madelgar, un groupe qu'on avait écouté quand même assez abondamment, qui chante en français. Un très bon groupe que je vous invite à connaître. Ça se poursuivra avec Cotebel, un autre bon groupe, cette fois-ci espagnol, qu'on a écouté, si je me souviens bien, à ma dernière émission. Locanda de l'Efate, qui renaît de ses cendres. Ça fait quelques années qu'ils ont produit un nouvel album. Et finalement, Andlager qui va terminer cette première soirée. Et le dimanche, on va débuter avec Morphelia, le groupe allemand. Aranis, le groupe belge qu'on avait eu l'occasion d'entendre. Une pièce ou deux, là, je dirais un petit peu plus dans le courant de l'année 2012. Spécial Providence qu'on a fait jouer assez abondamment dernièrement. Et Forgasban Phenomena qui va terminer la soirée du dimanche. Ça fait quand même... une belle pléiade, comme je disais tantôt. Donc, on va y aller avec Gate 6. C'est un groupe dont l'album s'appelle God Machine. Et ça se poursuivra avec Reasoning, un groupe anglais qui fait un petit peu plus dans le néo-prog. On va y aller ensuite avec un groupe québécois qui s'appelle Mute Scream, qui fait une musique que je qualifierais de... pas tout à fait de prog metal, pas loin, disons, le groupe revendique des influences de Rush. Moi, je trouve que ça ressemble un petit peu aussi à un groupe comme Stream of Passion, qui a compté dans ses rangs, Ariane Anthony Lucassen. Et c'est un groupe de Québec. La pièce qu'on va entendre de leur album qui s'appelle What Are You Made Of? On va entendre la pièce Speak. Ensuite, ce sera un extrait de IQ, Tale from the Lush Attic, 2013 remix. Ils ont sorti un très très bel objet dans ce qu'on appelle un digibook avec un DVD. Et le travail qui a été fait pour remixer tout ça et sortir un son qui est beaucoup plus professionnel, c'est assez phénoménal. On va entendre la pièce, en fait, qui est une bonus track, qui s'appelle « Dans le parc du Château Noir ». Et c'est qualifié de « unfinished demo ». Et on y va en musique avec Gate 6. We'll be right back. I sense the

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Vous écoutez CKRL HD. Une radio haute décibels. Restaurant L'Athéna, situé au 2981 1ère Avenue à Limoilou, vous offre un service de livraison jusqu'à 5h30 du matin pour combler votre appétit de fin de soirée. Goûtez à une de nos pizzas parmi un vaste choix, à nos club sandwich comme le club Athéna au poulet et gyros, ou bien notre poulet frit tout à fait craquant. Restaurant L'Athéna, 418-525-5509, livraison gratuite jusqu'à 5h30 du matin, payable avec Interac. Restaurant L'Athéna, pour combler votre appétit de fin de soirée. 2980, 1ère Avenue à Limoilou. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Ben oui, depuis 15 ans, la Barberie, mais c'est quand même beaucoup moins que CKRL qui a 40 ans. Je me rappelle quand j'étais jeune et que j'aimais bien écouter CKRL parce qu'il y avait des longues pièces et de la bonne musique de Pink Floyd, et c'est une tradition qu'on essaie de perpétuer. Et maintenant, moi et Bruno, on fait de l'animation à CKRL. C'est drôle la vie, comment ça se passe. Hein. Et on pourrait dire un petit peu la même chose avec cette nouvelle édition de Tales from the Lush Attic 2013 Remix. C'est le 30e anniversaire de cet album-là. Et il s'est fait, comme je disais tantôt, là, un très très beau travail là, pour dépoussiérer tout ça. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, IQ et les membres d'IQ étaient très jeunes et avaient aucun moyen. Et l'album avait été financé par le père de Paul Cook. Et il avait fait ce qu'il avait pu avec le peu d'heures de studio qui étaient à leur disposition. Puis il faut dire qu'à ce moment-là, au début des années 80, les facilités qu'on a aujourd'hui pour les home studios n'existaient pas. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais donc c'est sorti... disons là, un petit peu tout croche quand on réécoute la version originale, là, c'est plein de feeling, c'est plein de bonne volonté, mais entre autres le chant n'est pas toujours bien placé. Peter Nichols s'est amélioré beaucoup, là, mais quand on écoute cette nouvelle version, ben, c'est vraiment un plaisir. Et les bonus tracks, comme vous avez pu entendre, la pièce dans le parc du Château Noir, un démo inachevé. Bon, c'est quand même une belle version. Et il y a quatre démos qui sont en bonus track. Et juste avant, c'était Mute Screams avec What Are You Made Of? La pièce Speak, un groupe de Québec, un jeune groupe qui est plein d'énergie. Et d'après ce qu'on m'a dit, qui a des projets de tournée, et il semblerait qu'il y ait le vent dans les voiles, donc ça sera à surveiller probablement. Juste avant, c'était The Reasoning, un groupe anglais avec Adventures in Neverland, la pièce Hyperdrive et Gate 6 qui avait commencé ce bloc-là. Et toujours extrait de ce disque-là, la promotion de Progressis 71, on va entendre un extrait d'un disque qui s'appelle Micro Solco. Et c'est Mangala Vallis qui se rappelle à notre bon souvenir, un groupe italien qui comptait dans ses rangs le chanteur Bernardo Lanzetti dans son disque précédent qui date quand même de plusieurs années. Il nous avait épaté quand même avec deux très bons albums là, qui est apparu au début des années 2000 et après ça dans le milieu. Et là maintenant, il arrive avec ce disque-là. Et bon, les critiques que j'ai pu lire... Disons que c'est un petit peu mitigé, mais en tout cas, la pièce Easy Empire qu'on va pouvoir entendre nous permettra peut-être de se faire une idée plus personnelle. Et ce sera suivi de Mosley Houghton avec un extrait de leur dernier album qui s'appelle The Ghost Moon Orchestra. Ça fait déjà quelques mois que c'est sorti, mais on va en écouter un extrait qui s'appelle Tennyson Mansion. Et après ça, ça va être Galahad, Beyond the Realm of Euphoria, Salvation One Overture. On va écouter juste la pièce d'ouverture. Et moi, j'avais pas été emballé tellement par Battle Scares. Je sais pas, ça m'accroche pas. Je trouvais le son un petit peu rough. Mais disons que celui-là, ça me réconcilie un petit peu avec Galahad. Moi, je trouve, il me semble qu'il est mieux fait, même s'il est un peu dans le même mood. Galahad qui se veut plus rock un peu plus heavy, mais c'est une tendance qui avait quand même été assez bien amorcée avec Empire Neverlast, qui est vraiment le sommet de leur carrière. Et après ça, on va revenir pour un micro final. Donc, on y va tout de suite en partant avec Mangala Vallis. Oh! have forgotten ourselves for too long now. Don't even know your real name. You've got one, you've got one, you've got one. My world is made of crystals. Wait a life in HD. But I will tell you that it is yours. Without hate in our heart and soul, we shall never fight. We don't need to fight and fight again. Fish, and then I would be happy, yes I would.